الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer la naissance du prophète alayhi salat wa salam. Pour évoquer sa naissance, il convient de décrire la situation qui était celle peu avant sa naissance et juste après. Connaître cela nous aidera à comprendre la prédication du messager sallallahu alayhi wa sallam, ses tenants et ses aboutissants. Ceci se fera sous trois volets. La première, la situation politique de l'Arabie, des contrées avoisinantes et de la Mecque en particulier. Deuxièmement, la situation sociale des Arabes à l'aube de la prophétie. Et enfin, troisièmement, la situation religieuse. La société arabe avant l'avènement du prophète, alayhi salat wa salam. Lors de l'immigration des croyants vers l'Abyssinie, événement sur lequel nous reviendrons en détail, inshallah tabaraka wa ta'ala, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salat wa salam, décrit la situation des Arabes avant l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô roi, nous étions des gens plongés dans l'ignorance, nous adorions les statues, nous mangions les cadavres, nous commettions la turpitude, nous rompions et renions les liens de parenté et causions du tort au voisinage. Le fort dominait le plus faible, nous vivions dans cet état jusqu'à ce qu'Allah nous envoya un messager des nôtres dont nous connaissions la lignée, la véridicité, la loyauté et la chasteté. Il nous appela à rendre un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala, à se détourner des idoles de pierre et autres que nous adorions en dehors de lui, nous et nos ancêtres. Il nous ordonna de dire la vérité, de rendre les dépôts à leurs ayants droit, de préserver les liens de parenté, d'être bienfaisants envers nos voisins, de s'abstenir des relations interdites et illégitimes, et de faire couler le sang. Il nous interdit les turpitudes, les faux témoignages et le mensonge, de ne pas manger les biens de l'orphelin, et d'accuser sans preuve une femme adultère. Fin de citation. L'imam Saif al-Rahman Al-Mubarak Furi, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, dit dans son livre Al-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, où il décrit la situation politique. Il dit, dans les trois provinces avoisinant les étrangers, c'est-à-dire au Yémen au sud, au nord en Irak et au Chem, actuelle Syrie et Jordanie, la situation politique s'empirait, caractéristique des rapports entre maîtres et esclaves, entre gouvernants et gouvernés. Les seigneurs, notamment les étrangers, accaparer tous les gains, maintenant les esclaves sous la contrainte. En termes plus clairs, les sujets étaient une sorte de champ dont le produit était la chasse gardée des gouvernants qui en disposaient à leur guise, suivant leur passion à des fins d'oppression et d'agression. Les gens, aveuglés, étaient voués au tâtonnement. L'injustice leur venait de partout. Or, ils ne pouvaient ni se plaindre, ni rouspéter. Au contraire, silencieux, ils subissaient l'humiliation, l'injustice et certaines formes de châtiment. Le pouvoir était usurpé et les droits individuels nuls et non avenus. Les tribus dans le voisinage de telles provinces oscillaient, ballottaient au gré des passions et des ambitions. Tantôt elles faisaient partie de l'Irak, tantôt de la Syrie. La situation des tribus à l'intérieur de la péninsule arabique était absolument bouleversante, dominée par des dissensions tribales, des divergences raciales et religieuses. À cet égard, leur porte-parole, Dureyd ibn Summa, s'exprime en ces termes: وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ إِنْ رَوَتْ رَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي. Je ne tiens qu'à Raziya. S'il s'égare, je m'égare. S'il trouve le chemin, je retrouve le mien. Comme pour montrer ici l'appartenance tribale à outrance. Les gens n'avaient ni roi appuyant leur indépendance, ni une base de référence pouvant les aider à gérer leurs moments difficiles. Quant au gouvernement du Hijaz, les Arabes le considéraient avec estime et respect comme la base protectrice du centre religieux. En réalité, ce gouvernement était un mélange de prééminence mondaine et gouvernementale et de direction religieuse. Cela fonctionna parmi les Arabes au nom d'un leadership religieux dans le Haram et ses alentours, en tant que gouvernement s'occupant de ceux qui venaient à la Kaaba et appliquant les principes de la charia, de la législation d'Ibrahim alayhi salat wa salam. Ces organes et ces démembrements rappellent un parlement. Comme nous l'avons déjà vu, il s'agissait cependant ici d'un gouvernement faible, non à la hauteur de sa tâche, comme ce fut le cas le jour de l'expédition contre les Abyssiniens. Les dirigeants arabes dans la péninsule et autour se divisent en deux grandes catégories. Ils sont soit des rois couronnés, qui en réalité ne sont pas autonomes et indépendants, mais plutôt sous la tutelle des grands empires de l'époque, l'Empire perse, l'Empire romain ou autre. Ce sont les rois du Yémen, les rois de la dynastie des Rassanides et les rois de l'Hir en Irak. La deuxième catégorie, ce sont les chefs de tribus, de familles ou de clans qui bénéficiaient de la même autorité et des mêmes privilèges que les rois. Certains d'entre eux étaient peut-être sous la dépendance d'un roi couronné. Cependant, la plupart d'entre eux étaient autonomes et indépendants, non sous la tutelle des grands empires avoisinants, ni des rois arabes. La situation au Yémen. L'État fut connu sous le nom de deuxième État Himyarite, des Bani Himyar, descendants de Nuh alayhi salatu wassalam. Cette époque fut marquée par une succession d'agitations, d'événements sanglants, de coups d'État, de guerres civiles qui mirent le peuple à la merci des étrangers, le conduisant à lui perdre son indépendance. Cela coïncida avec l'entrée des Romains à Aden, au Yémen. Ceux-ci aidèrent les Abyssiniens à occuper le Yémen pour la première fois en 340 de l'ère grégorienne, exploitant dans ce sens la rivalité entre les deux tribus, Hamdan et Himyar. L'occupation se poursuivit jusqu'en 378 de l'ère grégorienne. Le Yémen devait ensuite retrouver son indépendance, mais il commença à y avoir des brèches dans le barrage de Ma'arib, ce qui provoqua la grande inondation mentionnée par le Coran sous le terme de inondation d'Al-Arim, Saylul Arim. Inondation qui eut lieu en 450 ou 451 de l'ère grégorienne. Ce fut un grand malheur dont résultèrent la dévastation des cultures et la dispersion des peuples. En 523 de l'ère grégorienne, Zunnuwas, le juif, mena une campagne abominable contre les chrétiens de Najran, dans le sud de l'Arabie, essayant coûte que coûte de les faire sortir de leur religion. Lorsque ceux-ci refusèrent, il creusa un fossé et alluma le feu et les y jeta. C'est ce que montre le Coran dans la sourate Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud, an-nari zati al-waqud, idhum 'alayha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil-mu'minina shuhud, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Sourate 85. Les versets 4 à 8. Périssent les gens de l'Ukhdoud par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour, ils étaient ainsi témoins de ce qu'ils faisaient subir aux croyants, à qui ils ne leur reprochaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Cet événement fut à l'origine de la grande vengeance du christianisme, impulsée à des fins de conquête et d'expansion, et dirigée contre l'Arabie, sous la direction des Romains. Ceux-ci avaient mis les Abyssiniens sur le pied de guerre et leur avaient préparé une flotte navale. Ainsi débarquèrent 70 000 soldats abyssiniens qui, une seconde fois, occupa le Yémen sous la direction de Ariyad. Celui-ci se mit à assurer les fonctions de gouverneur auprès du roi de l'Abyssinie jusqu'au moment où l'assassinat Abraha, le fils de l'Ashram, l'un des généraux de l'armée en 549 de l'ère grégorienne. Abraha remplaça Ariyad après avoir réussi à apaiser le roi de l'Abyssinie. C'est cet homme, Abraha, fils de l'Ashram, qui mobilisa l'armée pour détruire la Kaaba, lui et ses soldats, appelés les gens de l'éléphant. Il périt à son retour à Sana'a, laissant derrière lui deux enfants qui le remplacèrent l'un après l'autre et qui étaient pires que lui. Après la bataille de l'éléphant, les Yéménites firent appel au roi de la Perse et résistèrent tant et si bien aux Abyssiniens qu'ils finirent par les chasser du pays et obtenir leur indépendance en 575, sous le commandement de Ma'di Karib, fils de Seyf Ziyazin al-Himyari. Ils choisirent leur propre roi. Quant à Ma'di Karib, Il avait conservé avec lui un groupe d'Abyssiniens qui, rattachés à son service, obéissaient à ses ordres. Ceux-ci, cependant, l'assassinèrent un beau matin. À la mort de Mardi Kalib, le roi rompit avec les Iyazines et nomma Kisra représentant de la Perse à Sana'a. Il fit du Yémen un état perse où les gouverneurs persans ne cessèrent de se succéder jusqu'au moment où le dernier d'entre eux, Bahdan, embrassa l'islam en 638 de l'ère grégorienne, c'est-à-dire en l'an 16 de l'Hégire, ce qui mit fin à l'autorité de la Perse sur le Yémen. Ainsi fut la situation politique dans le sud de la péninsule arabique à l'aube de la prophétie, telle que racontée par le cheikh Saifur Rahman Al-Mubarak Fouri, rahimahullah ta'ala. Nous verrons demain, inshallah ta'ala, la situation qui était celle de la région de l'Hira en Irak et qui était sous le contrôle aussi de l'Empire perse. Nas'Allah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardha, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ash'hadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.